Les entrepreneurs engagés avec France Active Lorraine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des entrepreneurs engagés avec France Active Lorraine sur Fadjet, le rendez-vous mensuel qui met en lumière celles et ceux qui font bouger notre territoire grâce à leurs initiatives solidaires. Aujourd'hui, on s'intéresse à un enjeu qui touche de plein fouet le monde étudiant, la précarité alimentaire. En France, près d'un étudiant sur trois saute régulièrement des repas, réduit ses portions ou renonce à une alimentation équilibrée faute de moyens. Face à cette situation, une association nancéenne apporte une réponse innovante, concrète et éminemment humaine, Tim et Bastien. Un food truck solidaire, des repas bio et locaux, des prix accessibles mais aussi un travail de sensibilisation. On va découvrir ensemble leur histoire, leurs actions et comment elles transforment l'alimentation étudiante. Déjà, bonjour et bienvenue Anaïs Traite et Charles Cantoni. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes respectivement coprésidente et chargée de sensibilisation chez Tim et Bastien. On parle beaucoup en ce moment de précarité étudiante, particulièrement sur l'alimentation. Vous qui êtes en première ligne au contact direct des jeunes, qu'est-ce que vous observez concrètement sur les campus aujourd'hui ? Alors ce qui se voit le plus aujourd'hui, c'est l'augmentation du nombre d'étudiants précaires au cours des dernières années. Donc ça se voit au nombre d'étudiants boursiers qu'on touche, mais aussi lors de nos discussions au food truck par exemple, quand on discute avec eux, on se rend compte de l'augmentation de la précarité au sein du milieu étudiant. Ok, et face à ce constat, donc vous avez imaginé une réponse très concrète, et on va le voir, c'est un food truck solidaire que beaucoup d'étudiants connaissent déjà. Pouvez-vous nous expliquer comment il fonctionne, ce qu'on y mange, en quoi il répond aux besoins des étudiants en précarité ? Alors, depuis 4 ans, le food truck il tourne sur les campus étudiants de Nancy. On se déplace environ tous les mois et demi. On essaye de rester, comme j'ai dit, un mois et demi le plus possible pour nous, pour s'assurer de toucher le plus d'étudiants possible, tout en permettant à plusieurs campus par an nous rencontrer. L'histoire, c'est pas de rester au même endroit tout le temps. C'est une vraie petite cuisine ambulante, donc ce food truck. Les cuisiniers, Sarah et Arthur, actuellement, ils cuisinent tous les matins du lundi au jeudi avec des produits donc de qualité. Ils essayent de cuisiner des plats chauds, des fois c'est des plats froids, surtout en été, mais des plats chauds et des desserts que les étudiants ils peuvent emporter. Mais le food truck, c'est pas vraiment une réponse directe à la précarité parce que lui, il vise plutôt à montrer que manger de saison et local, c'est possible et souvent, c'est fun. Pour ce qui est du tarif, on se veut accessible. On est donc aligné sur les prix du Crous avec des repas à 1€ pour les boursiers et 3,30€ pour les étudiants non boursiers. Ce food truck est devenu un repère sur le campus, mais votre projet ne s'arrête pas là et on va revenir après. Mais déjà, revenons un peu en arrière. L'association elle est née en 2021, dans une période très particulière après le Covid. Pouvez-vous nous raconter comment tout a commencé et d'où vient cette idée un peu folle de lancer un food truck solidaire sur les campus ? Eh ben, c'est assez simple en fait. Finalement, l'idée elle vient de deux étudiants en année de césure, Tim et Bastien, qui ont remarqué justement qu'il y avait une augmentation de la précarité, notamment pendant la période de Covid. Et ils ont eu l'idée un peu folle de dire pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas agir vis-à-vis de ça. Et donc, ils ont lancé une levée de fonds pour acheter le food truck. Ils l'ont aménagé eux-mêmes et ils se sont lancés dans cette aventure un petit peu folle de cuisine itinérante. C'est une initiative aujourd'hui qui est unique en France et l'association, 4 ans après, elle compte une dizaine de bénévoles et 4 personnes salariées. Alors c'est vraiment un beau projet, mais vous ne faites pas que nourrir les étudiants, vous les sensibilisez aussi. En quoi consistent vos actions ? Alors oui, effectivement, la restauration, ce n'est pas notre seule activité, loin de là même, parce que l'objectif de l'association, c'est de lutter contre la précarité alimentaire et donc de sensibiliser à une alimentation plus durable. Pour cela, on a 4 axes de travail au total. Donc tout d'abord, on a la restauration éducative, donc c'est pas juste cuisiner pour les étudiants le matin, mais c'est aussi inviter les étudiants à venir cuisiner avec nous dans le food truck pour ne plus faire juste à manger aux étudiants, mais que les étudiants fassent eux-mêmes à manger pour les étudiants et leur apprendre un petit peu des petites astuces. C'est toujours l'occasion donc de passer un moment privilégié avec eux, parce que là on est maximum 4 dans le food truck, donc les 2 salariés plus 2 étudiants, et de leur passer du coup des petites astuces, mais aussi d'écouter leurs idées, leurs pistes d'amélioration, et leur ressenti en tant qu'étudiant, j'allais dire bénéficiaire, mais plutôt client de Tim et Bastien. Puis à la fin du service, ils repartent avec un repas gratuit qu'ils ont bien sûr gagné en cuisinant avec nous. Mais on a aussi l'autre axe, du coup appelé sensibilisation et éducation populaire, qui regroupe nos actions de sensibilisation, telles que les ateliers cuisine qu'on fait au sein des campus, mais pas que, nos conférences qu'on a pu animer notamment cette année, ou encore des petits jeux qu'on propose aux étudiants sur la période du midi. Elle fait référence à notre approche qui encourage chacun à apprendre à faire et à penser par soi-même. Tout est proposé pour développer une réflexion individuelle par rapport au savoir et encourager le débat et confronter les idées. On a aussi un troisième axe qui est la vie associative et la montée en compétences. Tout est dans le nom. L'idée, c'est vraiment de créer des temps conviviaux entre bénévoles, bénévoles et salariés. Et on souhaite notamment en 2026, l'un des projets, c'est vraiment d'avoir des week-ends de formation dédiés aux étudiants pour leur permettre d'apprendre à la fois sur les thématiques d'alimentation durable, mais pas que, notamment le fonctionnement du milieu associatif. Et notre dernier axe, c'est la coopération territoriale. Tim et Bastien, aujourd'hui, c'est essayer de faire avec les étudiants, mais aussi faire avec les acteurs du territoire, des associations qui luttent contre la précarité alimentaire étudiante, mais pas que. Chez Tim et Bastien, on pense que coopérer, c'est nous permettre de trouver des solutions aussi pour aider les étudiants en situation de précarité de manière plus efficace. Pour vous donner un exemple concret, on mutualise le camion avec l'association Copain. Ça nous permet de réaliser nos approvisionnements pour mitonner ensuite nos petits plats. Et il y a quelques mois, on a par exemple fait un prêt de matériel aussi à la Feinte de l'Ours, qui est une association de café-jeux associatifs de Nancy, pour un de leurs événements. Cette logique d'entraide, elle est pour moi vraiment une force de l'association et elle fait un petit peu partie de notre ADN. Alors en quelques années, votre impact est vraiment impressionnant. Pour exemple, vous êtes en moyenne à 50 repas par jour servis aux étudiants. Quels résultats vous retenez aujourd'hui, que ce soit en nombre de repas, en implantation et surtout au niveau des retours des étudiants ? Alors oui, on est à environ 50 repas, comme tu l'as dit. Ça fait environ 4500 repas à l'année. Donc c'est quand même assez conséquent, même si ce n'est pas le Crous. On est sur 5 à 6 campus par an. Aujourd'hui, c'est les campus qui nous appellent pour qu'on vienne nourrir leurs étudiants, ce qui n'était pas forcément le cas au tout début de Tim et Bastien, c'était plutôt la démarche inverse. Mais la demande, elle est de plus en plus forte, il y a de plus en plus de campus qui nous appellent, et on commence à être connu un peu donc, sur la métropole du Grand Nancy pour ça. Les étudiants, ils aimeraient, eux, qu'on reste un peu plus à chaque fois, plus qu'un mois, un mois et demi, mais ce n'est pas forcément possible, car déjà, il y a beaucoup de demandes. Et puis l'objectif, c'est de toucher de nouveaux campus, d'essayer de tourner le maximum pour toucher le plus d'étudiants possible, parce que comme je l'ai dit, on n'est pas une solution à la précarité alimentaire étudiante, on essaye, nous, d'apporter des pistes de réflexion. Et dans tous les cas, les étudiants, qu'on vienne un mois et demi ou quelques jours, ils sont toujours heureux de l'offre qu'on propose, puisqu'ils reviennent très souvent, et on voit pas mal, quand on reste un petit peu, des habitués qui viennent et qui passent même des fois juste pour discuter, pas forcément pour manger. C'est aussi le cas dans nos ateliers, ceux qu'on a pu mener et ceux qu'on mène encore aujourd'hui. On a toujours un lien de proximité avec les participants, et on essaye de mettre en place en fait des petites méthodes d'évaluation simples qui nous permettent nous de nous améliorer. C'est histoire d'écouter leurs retours, mais sans les questionner sur leur avis général, plutôt essayer de comprendre ce dont ils ont besoin pour l'appliquer. Alors c'est vraiment ce qui fait que vous avez une vraie communauté autour de vous et j'imagine que vous cherchez régulièrement des bénévoles. Si des auditeurs ont envie de vous aider, comment est-ce qu'ils peuvent rejoindre l'association ou contribuer en fait à vos actions ? Alors oui, effectivement, on cherche pas mal de bénévoles, on essaye d'agrandir un peu notre équipe pour mener le plus d'actions possibles, notamment l'animation d'ateliers ou encore plus de cuisine si c'est possible. Pour rejoindre l'association, il n'y a rien de plus simple, il suffit d'envoyer un mail à contact@teambastien.fr. Ensuite, on prendra le temps d'échanger avec les personnes qui nous contactent, soit par téléphone, soit encore mieux à notre bureau à la MDE ou lors d'un moment un peu convivial pour leur expliquer ce qu'ils pourraient faire dans l'association. L'adhésion, elle se fait donc soit directement pendant ce rendez-vous, soit en ligne. C'est totalement gratuit et on a des fiches missions qu'on peut présenter aux bénévoles qui souhaitent pour qu'ils trouvent vraiment leur place en fait, dans l'association et qu'ils ne soient pas perdus au milieu de toutes nos actions. Et puis si l'engagement fait un petit peu peur, parce que des fois s'engager dans une association, ça peut être compliqué, et que les personnes veulent juste aider ponctuellement pour cuisiner par exemple un repas ou nous aider à animer un atelier, il suffit de venir nous rencontrer directement au bureau ou sur le food truck et les cuisiniers, ils les accueilleront avec plaisir. Alors vous l'avez dit, votre action elle existe grâce à une communauté mobilisée et pour continuer à grandir, vous avez aussi pu compter sur un autre type de soutien et c'est là que France Active Lorraine intervient, notamment via le dispositif local d'accompagnement pour élaborer une nouvelle stratégie. Vous avez également mené une campagne de financement participatif via Aux Côtés, où vous avez récolté plus de 15 000 euros grâce à 100 citoyens, c'est pas rien quand même. Mais c'est aussi grâce au soutien financier donc, du département de Meurthe-et-Moselle, de la Fondation Idée Lorraine et la Croix-Rouge. Alors pourquoi ces accompagnements, ils ont été importants pour vous et qu'est-ce qui vous ont permis de développer ? Déjà pour nous, ils ont été tous les deux complémentaires. Le DLI nous a vraiment permis de structurer l'association autour des trois axes qu'on a évoqués juste avant, mais aussi et surtout de rassembler finalement les bénévoles, les salariés pour réfléchir et se fixer un cap commun qui soit partagé. Aujourd'hui, c'est vraiment permettre à tous les étudiants d'accéder à une alimentation saine, durable, abordable et choisie. Et l'idée, c'est aussi de développer justement l'autonomie alimentaire et de réduire les inégalités. Sur le financement participatif Aux Côtés, il nous a permis à la fois de lever des fonds pour développer des actions, mais de manière structurelle, finalement, de diversifier aussi nos financements pour aller davantage vers des ressources privées. Et Aux Côtés nous a aussi permis de renforcer les liens avec des partenaires qui existaient déjà ou d'en créer de nouveaux. Pour moi, ça a été une aventure vraiment Aux Côtés, quelque part, qui a permis de faire communauté. Et encore aujourd'hui, on bénéficie des impacts positifs de ces deux accompagnements. Donc merci à France Active Lorraine pour ce beau soutien. Alors Anaïs et Charles, l'émission elle touche à sa fin. Merci beaucoup pour votre présence et pour tout ce que vous faites pour les étudiants du territoire. Pour suivre vos actions et devenir bénévole, donc Charles, tu l'as dit, il ne faut pas hésiter à se rendre sur le site internet timebastien.fr, sur vos réseaux sociaux ou par mail. Si vous souhaitez réécouter cette émission ou vous avez manqué un passage, rendez-vous sur fadjet.net. Pour ma part, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt, Anaïs et Charles. À bientôt, au plaisir. Au revoir. Les entrepreneurs engagés avec France Active Lorraine.